Barra, je me souviens bien de celle-là. Il s'en souvient des récitations. Il en combien de temps? Barra. Tu ne sais pas. Non. Tu sais ce qui était Barra. Oui. C'était un catholique très jeune qui s'était engagé dans l'armée. Mmh. Catholique que les protestants avaient tué parce qu'ils n'avaient pas voulu. Attends. Ils n'avaient pas voulu crier vive le roi. Ah oui. Et au lieu de crier vive le roi, il avait crié vive la République. Écoutez l'histoire d'un brave qui s'est donné tout jeune à la France en péril. Son visage est grave, 15 ans, mais son cœur est viril. Petit hussard à mine altière. Au galop, sabot clair et charge n'a point peur. Pourtant, lorsqu'il écrit tendre à sa pauvre mère, il a des sanglots plein le cœur. On luttait alors en Vendée contre de fameux gars de hardis paysans. Ils tenaient pour la vieille idée, c'était malgré tout des vaillants. Un jour, menant les chevaux voir, l'enfant seul les cernait par 15 ou 20 d'entre eux. Tes chevaux, non. Rends-les, non. Ils ne peuvent croire. Barra voit sa mort dans les yeux. Un gars fameux par ses tueries lui dit, Barra, on a pitié de toi. Tiens, on te laissera t'en aller. Si tu cries là devant nous, vive le roi. Et soudain, l'enfant héroïque, un regard de fierté. Là, il y a un mot que je m'échappe, soudain, l'enfant héroïque. Crie aussi fort qu'il peut, vive la République. Il tombe sanglant sur l'eau. Ils l'ont tué là. Alors. C'est de qui ça, Victor Hugo? Qu'est-ce qu'il y a après? Au noble enfant digne d'envie, ardemment comme toi, nous voulons la chérir. S'il lui faut notre sang, s'il lui faut notre vie, sois notre exemple pour mourir. Mm-hmm. Voilà. Eh bien, un bon souvenir, hein? C'est vieux ça. On les apprenait bien. Il en sait d'autres, là. C'était vieux ça. Eh ouais. Essayez voir. Jean, prends sa fouchille, per un an, ce garçon prend. Et perdant dit à sa frère, mais bonjour, il m'a donné le goût. Ring, ring, ring, et tralala, ça c'était là. Alors, bonjour, il s'en souvient, et de goût, n'arrive pas. Alors, quand il a vu que le dîner n'arrivait pas, il rentre. Jean, tout en couleur. Là, je me rappelle bien. Il rentre chez lui. Alors, il trouve. Ah, mais là, il y a un peu de français. Qu'est-ce que c'est cette robe noire qui est accrochée derrière l'armoire, au nom de Dieu? Voyez le type. Alors l'autre dit, c'est une fille, une amie de mon village qui est venue pour me voir. Les filles de ton village n'ont pas de la barbe pas la figure, tonnerre de Dieu. Il fait l'autre, un peu, c'était le curé. Le travail. Mes enfants, il faut qu'on travaille. Il faut tous dans le droit chemin, faire un métier vaille que vaille. Ou de l'esprit ou de la main. La fleur travaille sur la branche. Le lys, dans toute sa splendeur, travaille à sa tunique blanche, l'oranger à sa douce odeur. Mais qui bourdonne mes oreilles? Écoutez bien, vous pourrez boire nos chères petites abeilles qui butinent dans le baignoir. Écoutez grincer la charrue tout près de nous, là, dans ce champ. Voyez la talase qui sue et qui fume au soleil couchant. Ils y font de toute leur force et de la tête et du portrait. Ces deux grands bœufs aux jambes torses, certes, c'est là du bon travail. Ce bon cheval qui vous ramène par les sentiers grimpants des bois, croyez-vous qu'il n'a pas de peine pour vous porter quatre à la fois? Et pourtant, c'est comme une fête lorsqu'il vous sent tous sur son dos. Les autres jours, la pauvre bête traîne des bien plus lourds fardeaux.